Il y a une autre chose qu'il vous faut savoir au sujet de la prononciation et de l'orthographe anglaise. Nous avions vu dans la première partie un certain nombre de mots commençant par H, tels que horrible ou here, donc pour lesquels le H devait être prononcé aspiré. Horrible, here, etc. Mais il y a d'autres mots qui commencent par un H pour lesquels ce H ne doit pas être prononcé. Il doit donc être muet, comme le H français. C'est le cas, par exemple, de hour, H-O-U-R, heure. Donc, au lieu de dire a hour, pour une heure, on doit dire an hour. An hour, oui. C'est-à-dire qu'on fait la liaison. An hour. Un autre exemple. Saviez-vous que Sacha Guitry réalisa un film intitulé « La vie d'un honnête homme » ? Vie se dit « life ». L-I-F-E, et honnête correspond à honest en anglais. Ça s'écrit H-O-N-E-S-T, donc avec un seul N. Et vous connaissez déjà le mot man pour dire homme, puisqu'on avait vu que postman, facteur, signifiait mot à mot l'homme de la poste. Alors, comment traduirez-vous le titre de ce film en anglais ? La vie d'un honnête homme. The life of an honest man. The life of an honest man, oui. Alors, je profite de cet exemple pour vous donner un bon tuyau. Dès qu'un mot français contient un E accent circonflexe ou un O accent circonflexe, sachez qu'il est fort probable qu'en anglais, son équivalent est un S à la place de l'accent circonflexe. Donc ES correspondant au E accent circonflexe français et OS correspondant au O accent circonflexe français. Et c'est précisément le cas de honnête, qui encore une fois se dit honest. Honest, oui. Et c'est le cas aussi du mot qui signifie hôte, qui en anglais se dit donc host. Host, qui s'écrit H-O-S-T. Ce S vient en fait du latin. Mais en français moderne, il a été remplacé dans beaucoup de cas par un accent circonflexe. Donc, dans beaucoup de cas, mais pas toujours. Par exemple, ce S a disparu au profit d'un accent circonflexe dans le mot forêt. Alors, l'équivalent de forêt en anglais, ça sera forest. Forest. F-O-R-E-S-T. Oui. Donc, en français, on a perdu ce S au profit d'un accent circonflexe, mais on en garde une trace dans le mot forestier. Bien, je referme cette parenthèse, car je voudrais clore le sujet de E et An en attirant votre attention sur un point important. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de cette méthode, pour parler de fréquence, on emploie E ou An, là où en français, on emploie par. Donc, une fois par semaine se dit once a week. Deux fois par semaine, twice a week, avec twice qui s'écrit T-W-I-C-E. Bien, alors si mois se dit month, M-O-N-T-H, comment direz-vous, elle voit son médecin deux fois par mois? She sees her doctor twice a month. She sees her doctor twice a month. Et sachant que trois fois se dit three times, donc times qui s'écrit T-I-M-E-S, comment dira-t-on « je vais chez le dentiste trois fois par an » ? I go to the dentist three times a year. I go to the dentist three times a year. Est-ce que vous avez pensé à traduire « chez le dentiste » par « to the dentist », c'est-à-dire « au dentiste » ? Et donc « three times a year » trois fois par an.